Comment ça va se finir? Ice! Je t'épargne les détails des positions. Sois pas trop méfiant. Je te donnerai tout, tout, tout, tout, tout. En prenant mon temps, temps, temps, temps, temps. Et je t'aime quand c'est doux, doux, doux, doux, doux. Laisse-moi rentrer dans ton jardin secret. Hey. Mi amor, la seule c'est toi. La seule c'est toi. Hey. Mi amor, je vois que toi. La seule c'est toi. Bébé. Doudou en moi, bébé, fais ça tout doux. Bébé, doudou en moi, bébé, fais ça tout doux. J'vais donner ça tous les jours. Matin, midi, soir, ouais, tous les jours. J'vais donner ça tous les jours. J'vais donner ça tous les jours. Allez, matin, midi, soir, ouais, tous les jours. Tous les jours, tous les jours, bébé, tous les jours. Doudou en moi, bébé, fais ça tout doux. J'vais donner ça tous les jours. Matin, midi, soir, ouais, tous les jours. J'vais donner ça tous les jours.